Alors, dimanche le 5 janvier 2014, c'est l'heure de la croche-oreille. Ici Jean-Pierre Gay qui est avec vous ce soir, au grand plaisir de lui-même et probablement de vous, chers auditeurs. De bienvenue à cette émission de la croche-oreille qui est en retour après une pause, une intermission qui aura duré une saison. Jean-Pierre Gay donc avec vous et avec Gaétan Gosselin. Gaétan, bonsoir. Salut Jean-Pierre. Alors Gaétan qui était notre metteur en onde l'an dernier et qui à la toute fin de la saison a décidé de traverser le miroir, de traverser l'écran, de traverser cette espèce de vitre qui nous sépare entre la mise en onde et le studio et qui cette année va co-animer l'émission avec moi. Bien Gaétan, bienvenue. Bien. Merci Jean-Pierre. Merci. C'est fort intéressant que tu sois là, Gaétan. Je sais que tu es quelqu'un. Moi, j'ai eu l'occasion souvent de te voir dans des spectacles d'art audio. Évidemment, au moins multi, hein. On sait que tu es le directeur général de Recto Verso. T'es très préoccupé par le moins multi, par toutes les formes multidisciplinaires de l'art, incluant évidemment l'art audio. Donc, t'es quelqu'un qui s'y intéresse aussi. C'est un champ d'intérêt, c'est sûr, de travailler avec toi sur ce projet d'émission. Dans le fond, ça va être une contribution, je dirais, assez sincère. Essayer de faire des ponts, j'appellerais ça des ponts sonores, à partir de travaux expérimentaux en art sonore, en art audio, puis essayer de brosser un portrait le plus d'actualité possible en faisant un petit va-et-vient parfois avec l'histoire de l'art audio. Et il y a une personne qui est pas avec nous ce soir, mais qu'on va retrouver de temps à autre, qui est Ariane Plante. Ariane, que tu connais bien, Gaétan. Et Ariane, qui était co-animatrice avec moi l'année passée, et qui a décidé de consacrer davantage de temps à son travail d'artiste en art visuel, et qui, malgré tout, ne veut pas délaisser la croche-oreille, et qui me disait, ben écoutez, j'irai faire un tour une fois de temps à autre, je vous arriverai avec des projets, qui sait, une création en onde, qui sait, un commentaire sur une exposition ou une installation sonore, quoi que ce soit. En fait, donc, Ariane a une espèce de porte ouverte dans notre studio, elle peut nous arriver n'importe quand, elle est la bienvenue. Je pense qu'elle va nous apporter de l'air frais, de ses expériences terrain, à la fois d'artistes oui. audio, mais aussi comme, je dirais, artiste actif dans le domaine des arts audio et des organisations qui s'y investissent. Gaétan, cette émission, elle est à sa troisième saison. Elle évolue. On était habitué depuis quelques années à rencontrer un artiste par émission, à parler de sa démarche, à présenter son travail. Mais on a voulu, et ça c'est de collaboration avec Avatar, parce qu'Avatar qui est le partenaire principal de cette émission, évidemment CKRL étant le partenaire de diffusion, mais Avatar est notre partenaire, je dirais, au plan de la conscience, au plan de l'idée. Donc avec Avatar, on a dit, ce serait intéressant qu'on aille un peu plus loin que juste la rencontre d'un artiste par émission. Donc, on aura l'occasion, au cours de cette année, d'explorer différentes façons de présenter des formes d'art audio. Par exemple, on a parlé d'Ariane qui va nous arriver éventuellement, peut-être, avec une création en onde, mais il y en aura peut-être d'autres qui vont se passer. Il y a des projets chez Avatar depuis plusieurs années qui existent, qui s'intitulent les excavations sonores, qui sont des cartes blanches qui sont données à des artistes qui ne sont pas nécessairement des artistes en art sonore, mais à qui on offre la possibilité d'explorer toutes les techniques et les studios d'Avatar pour créer une œuvre. Donc, on aura l'occasion d'en présenter un certain nombre directement ici en studio. On aura aussi, puisqu'il y a des questions de carte blanche, ben c'est une idée qu'on a eue, ça, avec Emeria Lehmann, avec Ariane, d'offrir, par exemple, à des personnages de la ville de Québec. Je ne veux pas en nommer, mais j'en ai quelques-uns en tête, à qui on pourrait offrir une heure d'émission où ils pourraient nous présenter, ici en onde, leur coup de cœur, leurs influences, ce qu'ils aiment dans le domaine de la radio. Donc, c'est le genre d'émission qu'on veut aussi proposer aux auditeurs au cours de cette année. C'est un peu mystérieux, ça, Jean-Pierre, là, cette idée d'amener des personnalités dans le champ de la radio. C'est assez intéressant. Comme oui. C'est stressant, mais en même temps, je pense que ça permet de... L'idée de cette émission, c'est de vulgariser l'art audio, c'est de rendre l'art audio le plus près possible des gens, de le rendre accessible, et souvent en passant par des gens qui sont connus et qui vont peut-être parler de leur expérience face à cet art audio, ça peut aider à faire une meilleure diffusion. On placotera pas toute la demi-heure et toute la soirée. On va quand même faire une première, plusieurs. On a quand même quelques œuvres à vous présenter. Puis Gaëtan, t'en as choisi une. Jean-Pierre, une œuvre qui est tirée d'une compilation, réalisée par un magazine. Magazine Vibro, oui. Que tu m'as gentiment transmis cette semaine, un magazine web qui a débuté, je dirais, au début des années 2000, 2004 jusqu'à 2009, qui a produit une série de compilations, cinq compilations, et compilations à travers lesquelles on va retrouver des artistes de la radio qui ont été particulièrement actifs, je dirais, sur la scène internationale. Et parmi cette compilation de 2005 qui s'intitule Citizen Band, une compilation qui brosse un peu le portrait de tous ces artistes audio qui ont travaillé dans des laboratoires un peu confidentiels, dans leur cave, hors normes, qui ont fait une radio exploratoire et qui ont créé des œuvres pour l'occasion. Et dans le cas de Citizen Band, j'ai retenu le premier artiste qui s'appelle Christian Zanesi, qui est un pilier de l'art électroacoustique ou de la musique électroacoustique en France, qui a été très actif dans diverses instances, que ce soit la radiophonie ou encore la contribution à des festivals. Et ce soir, j'aimerais vous faire entendre un titre qui s'appelle Audio Visage et qui reprend encore là des expérimentations qui sont issues de la radio expérimentale, donc des bandes de fréquences et des balayages hertziens là, qui donnent le ton. Vorwand nehmen, neue Taten und als Begründung. Zur Form gesetzt wurde, Hey, c'est fin, hein? C'est subtil comme travail. C'est vraiment intéressant. On va poursuivre, Gaétan, quelques informations sur les nouveautés cette année. Il y a des événements importants qu'on va couvrir ici dans cette émission. Je pense au Mois Multi que tu connais bien. Ouais. Je pense à la Manif d'art. Je pense aussi au Festival international de musique d'art actuel de Victoriaville qui se tient quelque part juste avant le mois de juin. Il y a un projet d'échange qui a eu lieu à l'automne dernier entre Nice et Québec. Des étudiants en art sonore de Nice qui sont venus à Québec et qui vont retourner à Nice, en tout cas des Québécois qui vont retourner à Nice. Donc, mais à l'automne dernier, moi j'ai couvert beaucoup cet événement-là. On aura donc l'occasion de faire 4 émissions autour de ce sujet-là. Évidemment, il y a une nouveauté, ta présence à cette émission va nous permettre de profiter de ta grande culture, ta grande curiosité dans le domaine de la recherche, de l'exploration, de la littérature, dans le domaine de l'art audio. Je sais que tu étais très avide d'informations de ce point de vue-là, fait que ça, tu vas nous apporter des chroniques une fois de temps en temps. C'est le but, Jean-Pierre. Dans le fond, j'aime bien le mot curiosité. c'est cette idée de, je dirais, de faire des ponts, d'abord des ponts sonores, à partir de travaux très concrets, des œuvres d'artistes, à la fois des artistes très actuels, d'autres moins, parce qu'ils marquent l'histoire de l'art audio, mais essayer avec chacune des œuvres de faire des ponts, soit avec des éléments de la littérature ou encore avec le cinéma, le spectacle littéraire. On connaît des auteurs qui laissent qui imprègnent, je dirais, leur littérature d'un univers sonore assez particulier. Et c'est le genre de lien que j'aimerais faire là pour nos éditeurs le dimanche soir. Donc, ça va être un enrichissement à tous les niveaux dans le cadre de cette émission. On va enchaîner tout de suite avec une autre pièce en art audio de quelqu'un qui, on parle de faire des liens avec des gens qu'on connaît et tout, là. Keith Matthews, qu'on a eu l'occasion de rencontrer au Mois Multi en 2008 avec son Sonic Bed, elle a un groupe d'artistes sonores féminines qui s'appellent les Lapitites, et ce sont des femmes qui font de l'art sonore sur des laptops, donc des Lapitistes, d'où le titre de leur quatuor, et qui font des performances comme ça depuis 2001 et qui ont produit un certain nombre de pièces. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est une pièce qui est justement tirée de cette compilation de Vibro, mais dans ce cas-ci, c'est de 2005. Une pièce qui s'intitule, attendez que je la retrouve, Animals for Soul. Thank you. On se serait parlé avant l'émission, Gaétan, que je trouve que ça il y a beaucoup de parenté dans les propositions qu'on fait. Ben écoute, je te laisse la parole, je te passe la poque, comme dirait Butch Bouchard, pour s'en aller jusqu'à la pause publicitaire. Oui, ben écoute, on poursuit dans la même veine du Citizen Band avec une artiste qui s'appelle Zoé Irvine, une femme qui se qualifie de designer sonore, une jeune, je pense qu'on peut dire une jeune artiste audio d'origine écossaise, qui a fait plusieurs projets, dont celui-ci qui s'intitule Night Walk, et qui est le résultat d'une marche dans la forêt amazonienne. Donc, on écoute ce petit bijou. How many is battery you carry in your torch? Two? Two, yeah. Okay. It's not very bright though, is it? Look at toad. Wow. This one is poison. Really? It has two big glands. Mm-hmm. Yeah. And split toxic milk. Nasty. The milk is coming straight to your eyes, you become blind. If it reach your skin, you start itching and scratching. Don't try to trespass me, and don't keep it far. Okay. Because we are in a primary forest. Yeah. I just had an opportunity, 20 kilometers far from here, to see puma and ocelot. Wow. And the jaguar. Okay. We have also black jaguar. And the eyes during the night works like a three-dimension visibility. It means that the X-ray and see you very clear, like ultraviolet. So even though they developed in a long time a sharp nose, feel when you are sweat, and they hear you very clear, and they have a camouflage also. So, but don't worry about the predator. I mean, not to try to scare you. Don't touch any palm plant because they are covered by thorn. Right. And they are covered by moist fungus and parasite. Right. And it doesn't kill you, but it causes inflammation. Right. And sometimes some toxic beetle or some predator are walking this. To avoid problems, this one don't touch. Okay. We have 1,600 different palm plants with the thorn. But just the 20 of them, the spine run in your body like a steel needle. Wow, okay. And may reach your heart or cause a strong internal damage. You are not afraid, aren't you? Don't worry, relax. My father, many years ago, told me, after you create your own monsters. Keep always your torch working. Okay, so it's always on. Yes. God. You can move it very slowly. Okay. That is a big bloody spider. Tarantula has a nocturnal habit, hunting in the night. If the tarantula kill, the tarantula start chewing the organs and the fresh meat until become like a juice, then suck. You can move it. Two first emergency aid jungle course. So don't worry about anything, okay? The torch has gone out. Cette semaine au cinéma Le Clap, voyez... 20 ans d'écart. American Hustle. Arnaque à l'américaine. Dallas Buyers Club. Le démantèlement. Esclave pendant 12 ans. Fanny. Le Hobbit 2. La désolation de Smaug. Hunger Games Catching Fire. Marius. Philomena. La Reine des Neiges. Ressac. The Secret Life of Walter Mitty. Sur la Terre des dinosaures 3D. Un château en Italie. La vie secrète de Walter Mitty. La voleuse de livres. Consultez l'horaire complet sur leclap.ca. Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Thé et Lounge au 67 René Lévesque Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Je sentais le besoin que Bec de Lièvre dise, nomme clairement l'amour qu'elle a pour Carmen. Cherche l'éclaircie, le bon moment. Cherche l'arc-en-ciel, le firmament. Elle se découvre un certain talent, une importance, une place dans la vie, c'est d'être auprès de Carmen. Evelyne Gélina et René Richard Cyr me parlent du chant de Sainte-Carmen de la Maine à Sentier Secret, mardi 7 janvier. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Alors, deuxième demi-heure de l'émission de La Croche-Oreille, première émission de cette nouvelle saison de la Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, toujours commanditée, appuyée par un partenariat avec Avatar et avec Gaétan Gosselin qui est à la mise en onde et à l'animation. Bonsoir Gaétan. Bonsoir. Rebonsoir mon ami Gaétan. Alors c'est toujours un plaisir de repartir cette saison et de partager nos choix, parce que c'est ce qu'on fait un peu ce soir, on partage nos choix audio et on se rend compte que quelque part on est dans les mêmes eaux. Ce que je veux te proposer à mon tour, au retour, tout de suite après la pièce que tu nous as présentée avant de partir en pause publicitaire, ben une autre artiste qui tombe un peu dans l'exotisme, elle est de La Réunion. Elle s'appelle Bérangère Maximin. Elle étudie en littérature et aussi en expérimentation musicale. Elle a travaillé un peu partout à la radio, en France, aux États-Unis, en Italie, en Irlande, en Chine. Et on peut dire maintenant que ses œuvres vont être diffusées au Québec parce que ce soir, elle va être diffusée au Québec. Donc, Bérangère Maximin, une œuvre qui est inspirée d'une chanson à boire ukrainienne. Curieusement, une fille de La Réunion, une chanson ukrainienne. Alors voici donc cette œuvre-là qui s'intitule « Bout de mots » de Bérangère Maximin sur l'étiquette Vibro. C'est loin des sonorités auxquelles on pourrait penser quand on pense à la Réunion. Hein. Il y a quelque chose de très, très moderne là-dedans. Gaétan, on va enchaîner avec ton choix. Stéphane Vitriello. Ouais. Mmh? Ouais, un artiste américain. Mmh? Un bonhomme qui a travaillé avec plusieurs grands noms. Je pense entre autres à Nam June Paik, avec lequel il a fait une collaboration. Il a travaillé aussi avec Larry Hussler, un performeur, un installateur. Il a fait aussi un travail avec Pauline Oliveros, une grande musicienne minimaliste américaine. Et ce soir, une pièce, encore sur l'album Citizen Band, une œuvre qui a été un accompagnement pour un vidéo, un film réalisé par le réalisateur Powers. Donc, sans plus tarder, on écoute l'œuvre. De Stéphane Vitriello. Ouais. Thank you. Il y avait quelque chose d'aérien là-dedans. Est-ce qu'on était aux États-Unis? On était où? On était aux États-Unis. Ben, on va rester aux États-Unis. Avec un artiste qui s'appelle Joe Frawley, qui est venu au monde dans les années 70. Un artiste qui est à la fois un compositeur et un artiste en arts visuels du Connecticut. Et qui, lui, travaille le son un peu comme des courtes pointes qui vont amalgamer de la pop radio, des sons de piano, du garage band, de l'improvisation en église, des bibliothèques publiques. Enfin, il fait beaucoup de field, comme on dit, du field recording, et il fait des amalgames de tout ça. Et ça donne des œuvres qui sont un peu... À la fois, il y a une petite citation là, sur le disque, là, « Beautiful, evocative and mysterious ». C'est des œuvres qui sont un peu troublantes, on ne sait pas trop dans quoi on est. Donc, voici une œuvre de Joe Frawley qui s'appelle c'est Wilhelmina, le dream, le rêve de Wilhelmina de Joe Frawley. Gentlemen, in introducing my original invention, although there is nothing supernatural about it, I am willing to deposit the sum of $1,000 to anyone who can prove that it is possible. Landscape. A sort of feeling of something threatening behind it all. A bit of menace. Something a little things that go bump in the night. I don't know. I remember when I was a little girl. If you saw people in the Il y a un petit côté Twilight Zone un peu là-dedans. C'est un peu trouble, c'est un peu troublant. On ne sait pas trop dans quel univers on était. Donc, c'était Joe Frawley. Ben, écoutez, on est presque rendu à la fin de cette émission. Même, on y est rendu à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Gaëtan, de cette première, premier échange, ouais, tous les dialogue. Deux, premier dialogue. Écoutez, on était bien contents de vous retrouver. Vous dire que vous pouvez nous rejoindre en tout temps sur un site Internet qui est en construction. Là. Il est quand même, là, il n'est pas très élaboré au moment où on se parle, mais il va vous permettre de savoir qui s'en vient dans les prochaines semaines et tout ça. C'est le www.lacrocheoreille.wordpress.com. Et si vous voulez nous écrire pour nous envoyer des nouvelles ou des commentaires ou quoi que ce soit, il y a une adresse courriel, c'est crocheoreille, dans un seul mot, gmail@gmail.com. Alors, on se laisse là-dessus. On vous dit à la semaine prochaine. Revenez-nous à 21h ici sur les ondes de CKRL. Merci, Gaëtan, d'avoir été avec nous. Et est-ce qu'on se laisse avec Mme Hubert? On a le temps, ouais, pour une petite dernière pièce. Alors, on va se laisser avec Véronique Hubert, une pièce qui me fait beaucoup penser au travail d'Hélène Matt. Vous allez voir, elle travaille avec une association d'idées et de forces et de la voix, les violons, les mots. Donc, Véronique Hubert, et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. La la la la la la la la la la la. Mais quelle est donc cette chose? Cette chose que tu recherches autant? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si tu as faim, on te bute, c'est ça? La la la la la la. La, la, la, la, la, la, la. Dormir, mais tu ne dormiras la, pas. La la la la la la.